Troisième chapitre. Les crevettes roses, avant, hiver 86. La neige commence à tomber, c'est l'hiver. Je vous fais grâce du linceul, c'est simplement la neige. Les pauvres gens souffrent, souvent les propriétaires ne comprennent pas cela. Or, ce jour de décembre, dans la rue Lepic de notre bonne ville de Paris, les piétons se pressent plus que de coutume, sans aucun désir de flâner. Parmi ceux-là, un frileux, bizarre par son accoutrement, se dépêche de gagner le boulevard extérieur. Peau de bique l'enveloppe, bonnet de fourrure, du lapin sans doute, la barbe rousse, hérissée, tel un bouvier. Ne soyez pas observateur à demi, et malgré le froid, ne passez pas votre chemin sans examiner avec soin la main blanche et harmonieuse, l'œil bleu si clair, si enfant. C'est un pauvre gueux, assurément. Il se nomme Vincent Van Gogh. Hâtivement, il entre chez un marchand de flèches sauvages, vieilles ferrailles et tableaux à l'huile à bon marché. Pauvre artiste, tu as donné une parcelle de ton âme en peignant cette toile que tu viens de vendre. C'est une petite nature morte, des crevettes roses sur un papier rose. Pouvez-vous me donner pour cette toile un peu d'argent pour m'aider à payer mon loyer? Mon Dieu, mon ami, la clientèle devient difficile. Elle me demande des millets bon marché. Puis, vous savez, ajoute le marchand, votre peinture n'est pas très gaie. La Renaissance est aujourd'hui sur le boulevard. Enfin, on dit que vous avez du talent et je veux faire quelque chose pour vous. Tenez, voilà 100 sous. Et la pièce ronde tinta sur le comptoir. Van Gogh prit la pièce sans murmure, remercia le marchand et sortit. Péniblement, il remonta la rue Lepic. Arrivé près de son logis, une pauvre sortie de Saint-Lazare sourit au peintre, désirant sa clientèle. La belle main blanche sortit du paletot. Van Gogh était un liseur. Il pensa à la fille Elisa et sa pièce de 5 francs devint la propriété de la malheureuse. Rapidement, comme honteux de sa charité, il s'enfuit l'estomac creux. Après. Un jour viendra et je le vois comme s'il était venu. J'entre à la salle numéro 9 de l'hôtel des ventes. Le commissaire priseur vend une collection de tableaux. J'entre. 400 francs, les crevettes roses. 450, 500 francs. Allons, messieurs, cela vaut mieux que cela. Personne ne dit mot. Adjugez les crevettes roses par Vincent Van Gogh. Au 17e de latitude sud, là comme ailleurs, conseillers généraux, juges, fonctionnaires, gendarmes et un gouverneur, toute l'élite de la société. Et le gouverneur dit « Voyez-vous, mes enfants, dans ce pays, il n'y a pas d'autre chose à faire que de ramasser des pépettes. » Un conseiller général, très sage du reste, propose d'incarner entre 2 chapitres du rapport un petit aléa, ne cherchez pas. Il veut dire incarcérer un petit alinéa concernant l'argent chilienne. Un gros procureur, procureur de la République, après avoir interrogé 2 jeunes voleurs, me rend visite. Dans ma case, il y a des choses bizarres, puisque non coutumières. Des estampes japonaises, photographies de tableaux, Manet, Puvis de Chavannes, Degas, Rembrandt, Raphaël, Michel-Ange, Holbein. Le gros procureur, un autre amateur qui a un très joli coup de crayon, dit-on, regarde et devant un portrait de femme de Holbein du musée de Dresde, il me dit « C'est d'après une sculpture, n'est-ce pas ?»« Non, c'est un tableau de Holbein, école allemande. »« Eh bien, ça ne fait rien, ça ne me déplaît pas, c'est gentil. »« Holbein, gentil. » Sa voiture l'attend, et il va plus loin en vue de l'Orofena déjeuner gentiment sur l'herbe entourée d'un gentil paysage. Est-il gentilhomme? Je ne sais. Le curé aussi, la classe instruite, me surprend en train de peindre un paysage. Ah, monsieur, vous tirez là une bien belle perspective. Rossini disait, je sais bien que je ne suis pas un Bach, mais je sais aussi que je ne suis pas un Offenbach. Je suis le plus fort joueur de billard, dit-on, et je suis français. Les Américains enragent et me proposent un match en Amérique. J'accepte. Des sommes énormes sont engagées. Je prends le paquebot pour New York. Tempête affreuse. Tous les passagers sont affolés. Je dîne parfaitement, je bâille et je m'endors. Dans une grande salle luxueuse, luxe américain, la fameuse partie s'engage. Mon partenaire joue le premier. 140 points. L'Amérique se réjouit. Je joue toc, tic et toc, et toujours comme cela, lentement également. L'Amérique se désespère. Soudain, une fusillade bien nourrie assourdit la salle. Mon cœur n'a pas sursauté. Toujours lentement, également, les billes zigzaguent. Toc, tic et toc. 200, 300. L'Amérique est vaincue. Et toujours je bâille. Lentement, également, les billes zigzaguent. Toc, tic et tac. On dit que je suis heureux. Peut-être. Le grand tigre royal, seul avec moi dans sa cage, nonchalamment il demande la caresse, me faisant signe de sa barbe et de ses crocs que les caresses suffisent. Il m'aime, je n'ose le battre, j'ai peur, et il en abuse, je supporte malgré moi son dédain, et cette peur me rend heureux. La nuit, ma femme cherche mes caresses, elle sait que j'en ai peur, et elle en abuse. Et tous deux, des fauves aussi, nous menons la vie avec peur et bravoure, avec joies et douleurs, avec force et faiblesse, regardant le soir, à la lueur des quinquets, suffoqués des puanteurs félines, la foule stupide et lâche, affamée de mort et de carnage, curieuse du spectacle horrible des chaînes de l'esclavage, du fouet et de la pique, à jamais assouvie des hurlements des passions. À la sortie, mon vieux perroquet intelligemment dit aussi son mot. « As-tu déjeuné, Jaco ?» À ma gauche, la baraque aux animaux savants, l'orchestre cacophone pour entretenir l'harmonie. De pauvres pitres, des hommes, les rois de la création se donnent des gifles, des coups de pied. Les singes si instruits ne veulent les imiter. À ma droite, la modeste baraque des mineurs, les enfants jolis, innocents, entrent là-dedans et suivent de leurs yeux si doux des créatures humaines en fer et en miniature grattant la terre, et c'est noir. Au sortir, les bébés émerveillés disent que c'est bien joli. Le marchand de journaux passe en criant « Demandez la grève des mineurs !» Image de la vie et de la société. Critiques anodines. Dans des sentiers convergent des figures campagnardes, nulles de pensée, cherchent on ne sait quoi. Cela pourrait être de Pissarro. Sur le bord de la mer, un puits, quelques figures parisiennes, de rayures habillées et bigarrées, assoiffées d'ambition sans doute, cherchent dans ce puits tari l'eau qui pourrait les désaltérer. Le tout de confettis. Cela pourrait être de Signac. Les belles couleurs, sans qu'on s'en doute, existent et se devinent derrière le voile que la pudeur a tiré. D'amour conçu, les fillettes évoquent la tendresse, les mains saisissent et caressent. Sans hésiter, je dis que c'est de carrière. La vidangeuse, le vin à 4 sous, la maison du pendu. Impossible à décrire, faites mieux, allez les voir. D'un compotier, les raisins mûrs dépassent la bordure. Sur le linge, les pommes vert-pommes et celles rouge-prune se marient. Les blancs sont bleus et les bleus sont blancs. Un sacré peintre que ce Cézanne. Avec un camarade devenu célèbre, ils se rencontrent en se croisant sur le pont des Arts. « Tiens, Cézanne, où vas-tu? Comme tu vois, je vais à Montmartre et toi à l'Institut. » Un jeune Hongrois me dit qu'il était élève de Bonnat. Mes compliments, lui ai-je répondu. Votre patron vient de remporter le prix au concours du timbre-poste avec son tableau au salon. Le compliment fit son chemin. Vous pensez, Sibona fut content, et le lendemain, le jeune Hongrois faillit me battre. X, un pointilliste. Ah oui, celui qui l'est fait le plus rond. Les vases cloisonnés. Là-bas, bien loin de mon patelin, la campagne nippone est couverte de neige. Tout le monde est dans les fermes. Pour vous éviter d'entrer par la cheminée, les portes étant fermées, je vais vous introduire par le seul fait d'une narration au milieu d'une famille nippone. Paysan 9 mois de l'année, artiste les 3 mois d'hiver, et ce que vous aurez vu dans une maison suffira à votre enseignement. Toutes sont pareilles, animées de la même vie, des mêmes travaux et surtout de la même gaieté. L'intérieur est tout ce qu'on veut, une petite fabrique, un dortoir, un réfectoire, etc., rappelant la petite boîte si bien décrite par notre grand académicien Pierre Loti. Vous ne trouverez pas non plus la petite chrysanthème, sœur de Rarahu la tahitienne. Toutes deux incapables de comprendre un cœur distingué de jeune homme déjà blasé et pourri. Pourri aussi le jeune homme japonais, mais pas encore désillusionné. Il n'a d'ailleurs pas encore à côté de lui son frère Yves pour pouvoir s'épancher. Dans une maison japonaise, tout est simple et composé, la nature et l'imagination. On fonctionne et l'on mange à tous les fruits, et la nature est riche en fruits. Vous m'entendez bien, Loti? Mais il faut savoir y goûter, oublier qu'on est officier. Que diable, on ne couche pas avec ses épaulettes. Le sucre et le poivre, goûtez-y, ce n'est pas si mauvais que cela. Ah, que le thé a un bon parfum quand on le boit dans une tasse qu'on a faite soi-même, si librement décorée. Et ces adorables petits paniers que chacun prépare pour la cueillette des cerises au beau temps revenu, tressés par des doigts agiles, arabesques japonaises leur donnent une signature. Et ces merveilleux vases cloisonnés qui demandent tant de patience, d'adresse et de goût, chaque paysan japonais fabrique son vase pour y mettre à la belle saison des bouquets. Paysans, en dehors des lettrés, gens de la campagne, gens de la ville, c'est la même chose. Voulez-vous que nous assistions à l'opération? Ce sera l'affaire de 2 ou 3 mois pour cela, et quelques instants pour vous et moi. Je ne mettrai pas votre patience à l'épreuve par de longues narrations, histoire de remplir les pages. Les éditeurs n'aiment pas cela quand le livre ne rapporte pas des billets de 1000. D'ailleurs, ceci n'est pas un livre, tout au plus un bavardage. Tout d'abord, le paysan nippon fait avec soin son dessin et sa composition sur un morceau de papier qui, déroulé, est de même surface que celle du vase. Il sait dessiner, pas précisément comme chez nous d'après nature, mais à l'école, tout enfant, on lui a appris un schéma général établi d'après les maîtres. Les oiseaux au vol, au repos, les maisons, les arbres, tout enfin dans la nature, a une forme invariable que l'enfant arrive vite à posséder au bout des doigts. La composition seule ne lui est point enseignée, et l'imagination la plus vagabonde est encouragée. Voilà donc notre habitant nippon installé avec un vase de cuivre devant lui, son dessin bien en vue à côté de lui. Des pinces, des cisailles, fil de cuivre aplati, voilà son outillage. Avec dextérité, il donne à son fil de cuivre placé sur champ toutes les formes exactement semblables au dessin qui est devant lui, puis au moyen du borax, il soude tous ses contours sur le vase en cuivre, bien entendu à leur place, correspondant au dessin sur le papier. Cette opération terminée, non sans un soin extrême et une grande habileté, remplir tous les vides avec des pâtes céramiques de couleurs différentes n'est plus qu'un jeu d'enfant. Toutefois, avec réflexion et un sens tout particulier des harmonies infiniment variées, sans le souci des complémentaires. Le progrès n'est pas encore là. Je ne sais si technique il y a. L'artiste a terminé son œuvre d'art et il devient habile céramiste. Il n'a plus qu'à cuire son vase. Le four en terre réfractaire se trouve chez tous les marchands. Les paysans en ont toujours de différentes grandeurs. Une petite porte y est ménagée pour y introduire et retirer l'indicateur du degré de cuisson. Les femmes, les enfants entrent en lice. On entoure le four et son contenu avec du charbon qu'on allume doucement, tout doucement. Chacun, avec son éventail, attise progressivement le feu, et ce sont les jeux innocents. Monsieur le curé n'aime pas les hauts, non point des paroles, mais avec des gestes, jeux auxquels tous sont très exercés. Les enchères sont les bijoux, les peignes. Tout cela dit est enlevé rapidement. On s'échauffe. L'éventail va, toujours de plus en plus activé. L'œuvre infernale s'accomplit dans la cornue. Les rires, les chants accompagnent ce simulacre de sabbat. Les gages sont vite épuisés et les combattants finissent par être comme au premier âge dans la belle nudité. Pas une seule feuille de vigne. N'ayant plus rien à donner, on se donne, et je vous promets que ni le notaire ni monsieur le maire ne régularisent des amours d'un instant qui ne sauraient être éternels. Il est tard et tout se refroidit, les jeunes gens et la terrible cornue, doucement, tout doucement. Le repos après l'œuvre accomplie. Le matin, tout est calme, et sur un de ces petits bahuts japonais incrustés de nacre, le vase fait son apparition première, car il n'est pas encore terminé. Mais on veut déjà en jouir un tant soit peu. S'éloignant, se rapprochant, l'artiste examine son œuvre. S'il gronde, les enfants trouvent le vase très laid, tandis que s'il est gentil et qu'il donne des bonbons, le plus petit, le bébé, dit oui et se tait. Le plus grand admire et dit: Papa, qu'il est beau! Bien entendu, il dit cela en japonais. Pour terminer le vase, on travaille chaque jour pour le polir avec soin. Et au printemps, on va par couples gais et heureux s'égarer dans des forêts de fleurs où, aux parfums aphrodisiaques, les sens reprennent de la vigueur. On fait des bouquets qui vont si bien dans les vases cloisonnés. Post-scriptum. Autrefois, je racontais cela à quelqu'un que je croyais intelligent et quand j'eus terminé, il me dit: Mais vos Japonais sont de rudes cochons. Oui, mais dans le cochon, tout est bon. À ce propos, Rémy de Gourmont, dans le Mercure, dit: C'est vraiment un spectacle unique dans l'histoire que cette furieuse préoccupation de la morale sexuelle qui abrutit sous nos yeux indifférents tant d'hommes doux et tant de femmes aimables. Bébé Youtre va aux Tuileries jouer, sa bonne l'y conduit. Bébé Youtre aperçoit un petit chrétien bien las aussi de jouer avec son superbe cheval de bois. Il s'approche et regardant avec dédain le cheval de bois, il dit: Bien laid ton dada, puis il joue avec son ballon rouge avec des éclats de joie. Bébé chrétien pleure, puis en soupirant timidement, il dit: Veux-tu changer? Bébé Youtre rentre triomphalement à la maison avec le cheval de bois et le père s'écrie: M'amour d'enfant, c'est tout mon portrait, il ira loin. Ne conseillez ni gourmandez quelqu'un qui vient vous demander un service, surtout si vous ne le lui rendez pas. Prenez garde de marcher sur le pied d'un imbécile instruit, sa morsure est inguérissable.